Le titre de la conférence ce soir, est-ce que vous entendez bien en arrière? Ceux qui ne dorment pas, oui, ça va. Comment développer la puissance de l'homme nouveau qui permet de modifier votre avenir? Venant de Daniel Kemp, c'est un sujet de conférence qui me passionne parce qu'on a souvent entendu de Daniel qu'on n'a pas de libre-arbitre, qu'on ne peut pas rien décider, que tout arrive de toute façon. Puis là, maintenant, on va nous dire comment on peut modifier son avenir. Bien des questions là-dessus. Le titre de la conférence, c'est « Découvrir la puissance de l'homme nouveau qui permet de contrôler votre avenir ». Oui. C'est ça, l'homme nouveau va contrôler votre avenir. C'est qui l'homme nouveau? C'est pas ceux qui n'ont pas de libre arbitre. Bon. Mais on va commencer par définir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre avenir, si on peut la modifier ou pas. Ici, c'est marqué qu'on peut apprendre comment le faire. On peut apprendre comment l'homme nouveau le fait. À ce moment-là, comment peut-on devenir un homme nouveau? Alors, ça, c'est autre chose. Premièrement, l'être humain n'a pas de libre-arbitre. Ça, vu que je n'ai pas de libre-arbitre, je ne peux pas faire autrement que de le dire. Je suis manipulé à le dire. L'homme, la femme, l'enfant est totalement manipulé. Quand je dis totalement manipulé, ça veut dire complètement manipulé. Il ne pense pas. Il ne rêve pas. Il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'agit pas. Il ne pose jamais d'action. L'homme est totalement réactionnel. On pense dans sa tête. On rêve dans sa tête. On lui donne des illusions de désir. On le force à bouger. Il réagit continuellement à toutes les stimuli qui proviennent et de l'intérieur du point de vue du canal réincarnationnel, donc au travers de l'âme, et de toutes les stimuli qui proviennent de l'extérieur par ses sens. Sens physique ou sens vitalique, relié au corps physique ou relié au corps vital. Même celui qui pense qu'il pense est un être qui est simplement dans l'illusion, dans le mensonge cosmique de la pensée, qui n'est pas contrôlable par l'homme, la pensée qui n'a aucune puissance, la pensée qui ne fait rien d'autre que d'occuper la tête ou la conscience de l'homme, en attendant que de l'intelligence finisse par descendre dedans. Et tant que l'intelligence n'est pas dans l'homme, l'homme est investi de mémoire. Et tant que l'homme est investi de mémoire, l'homme est investi d'une âme. Dans l'âme, il y a des agglomérats de mémoire qui finissent par former un ego. Et l'ego est de la mémoire. Alors, un automobile qui a un moteur 4 cylindres ne peut pas faire autrement que d'agir comme un automobile qui a un moteur 4 cylindres. Si on veut la faire rouler à 300 km à l'heure, elle ne peut pas. Elle pourra peut-être tomber en bas d'une falaise à 300 km à l'heure, mais on ne peut pas dire qu'elle roule, tombe, les roues tournent. Si on prend un homme qui est habité par un ego, qui est habité par de la mémoire, qui est habité par du passé, qui est habité par de l'émotion, l'émotion, c'est la réaction entre l'extérieur et les mémoires intérieures. Eh bien, il est équipé d'un moteur 4 cylindres. Et ce n'est pas lui qui conduit, ce n'est pas lui qui dirige, ce n'est pas lui qui démarre. Qui est-ce qui conduit, qui dirige et qui démarre? Dans le cas de l'homme, c'est la vie, c'est la mécanique. C'est si on a un être humain qui est seul dans l'univers, il n'est pas influencé par rien, mais il ne peut rien faire. S'il y a deux humains, ils sont hétéro-influençables, c'est-à-dire que chacun des humains sera influencé par l'autre, mais maintenant l'humain peut commencer à faire quelque chose. Il peut tomber en amour avec l'autre, il peut casser la gueule à l'autre. Il peut faire des choses. Si on place les deux humains sur une planète avec des insectes, des arbres, des animaux, de l'eau, etc., alors ils sont maintenant réactionnels à l'eau. S'ils ne savent pas nager, ils vont mourir. L'individu va dire « Oui, mais j'ai décidé d'apprendre à nager. » C'est faux. C'est parce qu'il risquait de se noyer qu'il apprend à nager. Pas parce qu'il le décide, parce qu'il n'en a pas le choix. Celui qui se fait recouvrir de neige l'hiver, qui est un homme ou une femme des cavernes et qui décide de s'abriter dans une caverne, il peut prétendre, eh bien, j'ai décidé de m'abriter dans une caverne. Non, il fallait qu'il y ait une caverne. Et deuxièmement, ce n'est pas un choix de sa part. C'est une réaction à la neige. Il ne peut pas rester dehors à mourir. On le manipule parce qu'on a besoin de son corps physique. On le manipule à se cacher. Mais pour que lui puisse facilement accepter l'idée qu'on le manipule, eh bien, on le manipule en l'appelant par son nom. Et le nom de l'ego, c'est « je » et « moi ». Alors, l'homme des cavernes, il dit « je vais me mettre dans la caverne ». Puis là, comme il n'est pas un con, ben il pense qu'il vient de penser, alors il se met dans la caverne. Mais le chien, le chat, la perruche... Même chose. On pensait la même chose? Même chose. Ça veut dire qu'un chien est manipulé? Ah, ça va de soi. Comme l'homme. OK. La seule différence qu'il y a, c'est que l'intelligence ne descendra jamais dans un chien. Et elle va descendre dans l'homme. Mais l'homme, ce que j'appelle aussi souvent l'animal humain, est totalement à se manipuler. Sur cette planète, il n'y a pas de libre arbitre dans l'animal humain, c'est-à-dire dans 100% des habitants natifs de la planète. Il n'y a pas de libre arbitre. Mais si on rêve, et puis qu'on se réveille tout en soir, qu'on a fait un cauchemar, ouais. C'est pas le corps du voisin qui est en soir, c'est le mien. Exact, c'est pour ça. C'est ça. T'es manipulé, c'est pas le voisin. C'est tout. Dans des rêves ou dans des expressions intelligentes, entre guillemets, là, des expressions qu'on va appeler intellectuelles. Intelligentes jusqu'à nouvel ordre. OK, jusqu'à nouvel ordre. On a réellement l'impression qu'on pense. Ah oui, c'est sûr qu'on a réellement l'impression qu'on pense. Donc la manipulation serait subtile au point où on n'a même pas conscience d'être manipulé. Quand je dis qu'on est manipulé, les gens réagissent et me prennent pour un cinglé. Ben, ils peuvent pas faire autrement, ils sont manipulés. Bon, puis quand on finit par apprendre qu'on est manipulé, eh bien on réagit plus, on a appris à plus réagir. Et quand on finit par comprendre qu'on est manipulé, eh bien là, l'intelligence peut commencer à s'approcher. Et là, à un moment donné, il y aura une possibilité de transformer les futurs possibles, de transformer les structures d'avenir. L'être humain peut devenir prescient. Cela va lui permettre d'enligner des futurs possibles. Et par la suite, il deviendra un marcheur dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il aura la faculté psychologique, émotive, endocrinienne, biologique et mentale de marcher dans des futurs possibles. Et les futurs possibles dans lesquels il devra déambuler seront ceux qu'il ne veut pas émotivement ou intelligemment vivre. Mais ce n'est pas un choix. Maintenant qu'il connaît la recette, il n'a pas le choix de l'appliquer. Mais dans les futurs possibles, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller faire là? Comment, premièrement, ça sous-entend ce que tu dis, qu'il y a plusieurs futurs possibles. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas manipulé dans une... Quand on dit on a une destinée, on n'est pas nécessairement manipulé à partir du point A au point B. Oui, mais on ne sait pas par où on va passer entre le A et le B. OK, il y a plusieurs routes qu'on peut prendre pour arriver au point B. Ça. Donc, ce que tu dis là, c'est qu'on peut éviter de passer par certaines routes. Non. Non? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'être humain qui, à un moment donné, développe sa conscience, développe son intelligence, celui qui prend totalement conscience qu'il est manipulé, qu'il n'a pas le choix, celui qui arrive à le supporter psychologiquement, émotivement ou astralement, même chose, celui-là sera manipulé à s'en sortir. Il va aller au point B quand même. Oui, mais par le chemin le plus confortable. Autrement dit, il pourra conserver l'illusion que c'est lui qui décide, mais c'est faux. Mais comment il va faire pour savoir c'est quel le chemin le plus confortable? En l'essayant, puis en essayant les autres? Tout à l'heure, j'ai dit que l'humain doit cheminer dans des futurs possibles qu'il émotivement ou intelligemment ne veut pas vivre. Comment tu fais ça? Voilà. Comment on fait ça? Comment on chemine dans un avenir possible? Habituellement, l'humain désire. L'humain envisage un peu son avenir. Il peut réussir et il peut manquer son coup. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance immédiatement dans une forme de préscience. C'est-à-dire qu'il essaie d'installer en avant de lui une route énergétique, une route psychologique, une route émotive, quelquefois chapeautée par de l'intelligence, où il se voit réussir. On appelle cela de la projection. La projection, c'est l'extrapolation émotive de la préscience, de l'avenir. Alors que celui qui est totalement préscient va enligner des futurs possibles à partir d'une compréhension de la mécanique que je vais expliquer, et non pas en fonction d'un désir, donc d'une manipulation. Pour comprendre ce que c'est qu'un futur possible, pour comprendre aussi de quelle façon il y a chez l'homme temporairement, il n'y avait pas. Il y a maintenant, il y aura encore pour quelques années, et à un moment donné, il n'y aura plus cette possibilité. Pour comprendre qu'il y a cette possibilité de transformer l'avenir, le nôtre, l'homme, la femme ou l'enfant doit totalement cerner dans sa conscience différents principes, sinon l'ego va totalement s'opposer à ce changement d'avenir. Si l'humain reste convaincu qu'il n'a qu'à prendre des bonnes décisions pour réussir, cosmiquement il a raison, humainement il a raison, cosmiquement il a tort, puis humainement il a tort. Il ne va prendre que les décisions qu'il ne peut prendre. Alors, c'est évident que s'il réussit, c'est parce qu'il a pris les bonnes. En réalité, c'est parce qu'on lui a donné, on lui a permis de prendre les bonnes. C'est tout. L'humain qui veut comprendre la mécanique des futurs possibles doit, premièrement, totalement comprendre que seul le corps physique est utile, émotivement on va dire important, est utile pour l'évolution. Autrement dit, l'âme, ça ne sert à rien qu'à animer le corps physique en attendant que l'intelligence descende dedans. L'âme, c'est un virus qui appartient à la planète Terre. C'est un virus qui est conditionnel des mémorisations de tout système planétaire et même solaire. C'est-à-dire que lorsqu'un système gazeux se solidifie, lorsqu'il devient une planète, un astéroïde, une lune ou un soleil, dans le cas d'un soleil, il garde une forme de température assez intéressante. Dans le cas des autres, ça se refroidit suffisamment. Le centre de la Terre est encore très chaud. La preuve, lorsque la lave sort des volcans, c'est quand même en fusion. La surface est refroidie. Et il y a mémorisation dans la structure atomique de l'expérience de refroidissement qui, dans les premiers temps, va ressembler à ce que la psychologie archaïque et antique de l'homme appelait l'enfer, les feux. C'était le refroidissement de la Terre qui était effectivement en ébullition. Et au fur et à mesure du refroidissement d'un système atomique, il y a toujours création d'une mémoire archétypale, un akasha, une mémoire akashique, qui conserve dans sa vibration l'événement qui se passe, donc qui finalement s'est passé. À un moment donné, il y a de l'intelligence qui vient investir la structure des mondes refroidis, en l'occurrence celui de votre planète, la Terre. Et lorsque cette intelligence descend à l'échelle de la planète, il doit cohabiter temporairement avec les structures en refroidissement, pour la simple raison que, étant donné qu'il est chaud, lorsqu'il se rapproche chaud, donc vibratoire, lorsqu'il se rapproche du contexte planétaire, il se voit engouffré dans le refroidissement de la planète, donc il se densifie. On appelle cela l'effusion, on appelle cela descente, on appelle cela chute, dépendant des visions. Bon, alors c'est de l'effusion du point de vue cosmique, c'est une descente du point de vue de l'humain conscientisé, et c'est une chute du point de vue de l'humain émotivisé. Lui se culpabilise là-dedans. Lorsque l'intelligence descend et l'engendre, premièrement, elle va envoyer des contingences d'énergie qui vont venir créer de l'animation, qui vont venir créer de la matière animée, de la matière qui sera capable de croître, donc cela va engendrer la vie. Lorsque la vie est engendrée à une échelle de planétaire, il y a immédiatement investissement, c'est-à-dire que la mémoire akashique, donc les mémoires créées pendant le refroidissement, et les mémoires qui se rappellent aussi la création de la vie, donc de l'anima, vont investir l'homme, étant donné que l'être humain est créé à même la planète Terre, étant donné que l'animal, comme le végétal d'ailleurs, qui contient aussi des âmes, sont reliés au monde de la mort, au plan astral, étant donné que la structure atomique qui va créer les corps, les formes, provient de la Terre, nécessairement elle a en mémoire l'akasha, c'est-à-dire qu'elle a en mémoire la descente, le refroidissement, la densification, la fusion, la chute. Donc, les corps physiques sont, dès leur création, investis selon la quantité d'atomes et la complexité de la structure corporelle, seront immédiatement investis de la mémoire akashique, donc de l'âme. Maintenant, l'intelligence crée le corps. La planète Terre pille le corps, c'est-à-dire que la planète Terre, qui fournit les constituants, va piller ce qui est constitué, et elle va donc, comme un virus, comme un tyran, comme un parasite, venir posséder la forme pour l'habiter. Immédiatement, il y a la copie de l'effusion, de la descente dans le corps physique, et la copie de la descente, c'est la copie de l'intelligence à un niveau limité. Il y a de cela 4,5 milliards d'années, à l'époque du début de l'effusion planétaire, la mémoire était très, très, très pauvre. Il y a de cela 2 millions d'années, la mémoire était de plus en plus grande. Il y a de cela 2000 ans, alors la mémoire était pas mal plus grande. Et aujourd'hui, la mémoire qui habite les corps physiques est extrêmement grande. Pourquoi? Parce qu'elle contient dans sa structure tous les ancêtres qui nous ont précédés. Est-ce que cette mémoire-là va pas atteindre un apogée à un moment donné? Elle va atteindre un apogée qui va être sa propre dilution, qui est prévue par Jean de Patmos dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit que le monde de la mort n'existera plus. Alors, lorsque l'homme voudra se donner la mort, il ne pourra pas trouver la mort. Donc, le corps physique est la structure qui sert à l'intelligence et qui, pendant un laps de temps très court, c'est-à-dire quelques milliards d'années, est investi par un virus qui va croissant, un virus réincarnationnel, un virus qui, par le fait que les parents sont génétiquement procréateurs de notre corps physique, le corps physique provient de la Terre, et de la mère et du père, donc les parents se réincarnent de leur vivant dans leur enfant, et ainsi que la planète Terre, donc tous les ancêtres continuent à vivre à travers la structure amique ou astrale des enfants, des hommes, des femmes. Et à travers cela, il y a l'évolution endocrinienne d'un corps physique, d'un véhicule, qui à un moment donné sera structuré de façon atomiquement neuve, d'une façon neuve telle que la structure akashique, que la mémoire de la planète Terre, ne pourra pas s'investir. C'est-à-dire qu'il y aura une mutation, non pas par procréation, mais une mutation dans le vivant de l'humain. De ce fait, l'humain devra se remettre au monde lui-même, de son vivant. Il devra y avoir une mutation atomique, une mutation énergétique, une énergification, donc une construction à partir de l'énergie, et non pas seulement une énergisation, qui est une augmentation temporaire de la chaleur de la conscience de l'homme, ou de la chaleur de la conscience endocrinienne, donc de l'animativité humaine. Et lorsqu'il y aura cette mutation, lorsque donc on va passer de l'homme ancien, celui qui est relié à l'akasha, celui qui contient ses ancêtres chez lui et qui est réincarnationnel, même s'il est pluralitairement réincarnationnel, ce qui fait qu'il ne peut pas se rappeler ce qu'il a été. Lorsque l'on va passer de l'homme ancien à l'homme transitif, homme avec un grand H, et de l'homme transitif à l'homme nouveau, celui qui aura une structure corporelle atomique neuve, à un point tel que, premièrement, sa génétique ne sera pas retrouvable sur le plan planétaire. Donc, il ne sera pas soumis aux maladies de l'humain. Et il aura un corps physique qui, dans la forme, sera similaire à l'homme, mais du point de vue atomique, sa forme atomique sera totalement différente. De ce fait, l'énergie akashique ne pourra à peine être mémorisée dans cette mutation qui se fera trop rapidement. Et la nouvelle structure corporelle, la nouvelle structure atomique, ne pourra pas contenir, donc va bannir, l'âme. C'est ce qu'on appelle le phénomène du rejet du double anti-homme, ou le double anti-intelligence, l'âme. Et l'esprit, ou l'intelligence instantanée, ou l'intelligence supramentale, qui forme, donc qui mute le corps atomique, le corps physique de l'homme, va engendrer un double éthérique qui va permettre à la conscience nouvelle de l'homme d'être éternelle, donc de ne pas vivre la mort. Elle est éternelle. Un jour, elle est éternelle tant qu'il y aura du temps. Ça va de soi. Un jour, lorsque la création sera totalement intégrée, il passera dans un phénomène de pré-temporalité, de pré-personnalisation. Alors, tant que nous ne comprenons pas que ce qui est utile à l'évolution, ce n'est pas notre âme, ce n'est pas nos désirs, ce n'est pas notre émotivité, ce n'est pas nos mémoires, ce n'est pas notre passé, ce n'est pas émotivement ou psychologiquement ou astralement notre avenir, c'est notre corps physique, notre système endocrinien, notre système atomique, notre système procréateur, notre système neuronique, cérébral. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas atteindre cette puissance de l'homme nouveau qui permet et qui va permettre pendant les quelques années à venir de pouvoir modifier son avenir. Mais comme tu décris l'homme nouveau actuellement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup sur la planète. Il n'y en a pas totalement accompli. OK. Il y a quelques hommes transitifs, par contre, qui sont à mi-chemin. Hommes, femmes et quelques enfants qui sont transitifs et certains sont transitifs avancés. OK. Ces hommes ou femmes ou enfants transitifs actuels, comment peuvent-ils, eux, espérer, modifier leur avenir, pas l'espérer, mais comment peut-il la modifier? C'est ça. Ils peuvent espérer de bien des façons. Alors, tout le monde peut espérer la modifier, mais comment peut-on la modifier? Alors, il faut accepter qu'on n'a pas de libre arbitre, donc on doit nécessairement cheminer dans une destinée. La problématique planétaire du point de vue de l'astral, du point de vue du monde de la mort, donc de ce qui manipule le corps de l'homme, bref, ce qui est l'âme, ce qui est les dieux, ce qui est les égrégores, l'akasha, la mémoire morte de la Terre, ces mécanicités ne peuvent prévoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans leur mécanique inclus l'intervention de l'intelligence, directement par une structure neuronique humaine. Celui qui se conscientise, donc celui qui est transitif, lorsqu'il va premièrement s'anégoïser suffisamment, c'est-à-dire que lorsqu'il va accepter que l'ego ne domine plus ou que l'ego cesse de penser qu'il domine, même si l'ego domine encore, au minimum, qu'il ait un mental pour observer que c'est l'ego qui fait des conneries, mais ce n'est pas lui. Lorsqu'il va être capable de se désassurer totalement de la culpabilité, parce que vu qu'il n'a pas de libre-arbitre, toutes les conneries qu'il fait, ce n'est pas lui qui les fait, on le force à le faire. Alors, il se désassurer de la culpabilité. Lorsqu'il va se désassurer totalement du jugement, juger les autres, les péjorativer, les traiter de cons, d'imbéciles, ils ne sont ni cons ni imbéciles, ils sont manipulés. Lorsqu'il va se purifier totalement dans l'illusion du libre-arbitre, il va avoir la faculté de s'asseoir et de commencer à déterminer ce qui, pour lui, ce n'est que pour lui, ce qui, selon lui et pour lui, est intelligent. Alors, il y a une différente façon de voir le monde. Il y a celui qui voit le monde à partir de ce qui est plaisant, à partir de l'amour, la connerie planétaire, à partir de ses désirs émotifs, de comment il aimerait vivre, à partir de ses peurs. L'humain évolue parce qu'il veut fuir la peur, la souffrance. Alors, s'il cesse d'envisager des avenirs à partir de cette structure psychologique ou théologique ou émotive ou etc., alors s'il décide de voir ce qui serait intelligent. Mais il ne peut pas décider de voir ce qui serait intelligent, non. Il n'y a pas de libre-arbitre. Mais celui qui assiste à mes conférences ou celui qui fait mon séminaire, c'est qu'il a suffisamment de conscience mentale parce que l'astral, l'ego, l'âme, l'akasha me fuit. Il ne peut pas venir à des conférences plus qu'une fois. Quand il vient une fois, c'est parce qu'il s'est trompé. Bon. Et s'il fait le séminaire, il ne se trompe pas à ce point-là. C'est qu'il a chez lui de l'intelligence qui commence à le manipuler pour l'attirer vers d'autres formes d'intelligence. Mais il est quand même manipulé. Manipulé pareil. Mais vers une solution individuelle plutôt que vers une solution collective. La solution collective va prendre encore quelques milliers d'années. La solution individuelle demande beaucoup moins de temps pour devenir efficace. Alors, celui qui est capable de comprendre ce que je dis, ou qui, à un moment donné, revient, même s'il ne l'a pas compris la première fois, c'est qu'il se dirige, les manipulés, se diriger vers une conscience individuelle, donc vers une solution individuelle. Il commence à retrouver son intelligence. Pas la mienne, la sienne. Mais dans le début, tu vas boire ou tu peux boire. Celui qui, donc, peut comprendre, est manipulé. Après une conférence comme ce soir, l'individu qui décide d'appliquer ça, il est manipulé. Il est manipulé par ce que je vais avoir dit. Maintenant qu'il va avoir cette information-là, il va maintenant agir en fonction. Si je te dis, moi, que chaque fois que tu laisses ton réservoir d'essence presque vide l'hiver, tu risques d'y avoir une condensation que lorsu'il fait froid, et l'humidité de l'air risque de geler, de descendre dans ton essence, et ça peut geler tes canalisations d'essence. Alors, mais maintenant que tu le sais, tu ne prends pas la décision de le tenir plein. Si tu le sais que tu es suffisamment intelligent et que tu as l'argent pour le mettre, tu es manipulé à le tenir au minimum aux 3/4 plein. Alors, ce n'est pas parce que maintenant tu décides. Tu n'as pas plus de libre-arbitre. Mais maintenant que tu as de la nouvelle information, ta manipulation change. C'est une réaction par rapport à une information. D'où l'utilité de l'instruction. Ou l'utilité de la conscientisation, même si on apprend dans le début. Ça manipule dans un sens plus efficace. Donc, celui qui veut changer ses choses, il envisage premièrement différents futurs possibles. Et qu'est-ce que l'humain, la femme, l'enfant doit faire? Extrêmement pénible. C'est d'envisager ce qu'il ne veut pas, mais pas du point de vue émotif, du point de vue de l'intelligence. Alors, il envisage la maladie. Il envisage le cancer, il envisage les accidents. Et il décide de projeter l'accident. Il veut un accident. C'est ça qu'il doit faire. Il veut une maladie. C'est moins agréable que de vouloir gagner à la loterie. Il s'achète un billet et il projette qu'il perd. Voilà. C'est ça qu'il doit faire. De quelle façon le projeter? Il doit faire la même chose que lorsqu'il veut gagner ou lorsqu'il veut être en santé. Tu veux mettre des émotions? Premièrement, il ne doit pas en parler. Et c'est là qu'il y a la nuance majeure. La parole instruit le monde de la mort et la parole l'énergise. Premièrement, on doit savoir que le corps physique évolue tant qu'il est assujetti au virus, à l'âme. Donc à l'akasha, aux conditions d'évolution animale planétaire, ou céleste planétaire, théologique planétaire, ou divine planétaire, les pieds de Dieu, c'est le Dieu que tous les humains adorent, c'est les orteils, là, puis c'est relié à un pied. Mais c'est pas la tête. La tête est loin du contexte planétaire, c'est le Dieu de la matière, le créateur de la terre, c'est bon. Lorsque l'humain envisage un avenir, il ne doit pas parler parce que lorsqu'il parle, il énergise le monde de la mort. Et parce qu'il énergise le monde de la mort, le monde astral le manipule à continuer à être ce qu'il dit. Celui qui dit « Moi, je suis encore jeune de cœur », un jeune de cœur ne dit pas ça. Donc, c'est un vieux de cœur qui dit « Je suis jeune de cœur ». Mais s'il veut éviter que ce futur lui arrive, ce ne serait pas justement mieux de le verbaliser? Non. S'il le verbalise, il faut faire attention. S'il a une voix mentale, oui, mais on va commencer par s'adresser à quelqu'un qui n'a pas encore un contrôle de sa voix. Et si on a une personne qui est malade et qui le verbalise, « Oh, que ça va mal », elle le verbalise, elle va rester malade. Si elle dit, « Ah, ça va de mieux en mieux », c'est parce que ça va mal, donc elle va rester malade. Si elle ne dit rien, ou si elle a une voix mentale, c'est autre chose, mais laissons faire pour l'instant. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle se couche et elle se voit rempirée. Et elle doit faire comme quand on achète un billet pour gagner, comme quand on regarde les chiffres qui sortent, là, puis qu'on a les 5 premiers, mais pas le 6e. Là. Tu vois, là, quand tu es rendu au 5e, là, tu transpires de tout partout. Émotivement, tu es en train de vivre ça, et tu ne l'auras pas. Bon. L'humain peut constater que tout ce qu'il a vécu émotivement, chaque fois qu'il a sécrété dans un avenir possible, ce n'est pas arrivé. Les choses qui lui ont fait le plus peur ne sont pas arrivées, etc. Ou encore, l'individu peut dire, oui, mais chaque fois que je me suis inquiété, c'est pas arrivé, puis une journée, j'y ai pas pensé, puis là, c'est arrivé, c'est ça. Mais donc, c'est pas arrivé quand il pensait. Il faut y penser avec beaucoup d'émotion, comme si on pensait quelque chose de positif. Ouais. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'intelligence a besoin d'un corps physique de plus en plus solide. Et c'est pourquoi, si on veut arriver à comprendre la mécanique du contrôle de l'avenir, on doit cellulariser, on doit comprendre ce que je dis. C'est le corps physique qui est important. Et le corps physique n'évolue et ne se transforme, ne mute que par agression de l'émotion. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une émotion, on sécrète des hormones. Et les hormones, en plus d'être stockées pour revenir nous faire charrier lorsqu'on jeûne, lorsqu'on maigrit ou lorsqu'on est plus fatigué, en plus de cela, le système hormonal vient agresser le corps physique et oblige l'expression de l'émotion, bonne ou mauvaise, toujours mauvaise de toute façon, mais plaisante ou non plaisante, dans le corps physique. Et le corps physique s'endurcit à la longue, il s'use et meurt et s'épuise et capote, et on part à la procréation. On transmet un peu notre cellularisation évolutive à travers le corps physique des enfants, et à travers des millions d'années, on arrive à créer des corps physiques comme les nôtres aujourd'hui, beaucoup plus solides. L'individu doit comprendre l'idée que c'est par la sécrétion émotive, la sécrétion endocrinienne, qu'on mute son corps physique. Et c'est pourquoi il a une vie sinusoïdale, une vie où il est heureux, où il sécrète émotivement du plaisir. Quand il s'habitue, il ne sécrète plus. Le corps physique est habitué, il sécrète encore, mais le corps physique ne réagit plus. Alors, il doit descendre, perdre. En perdant, alors là, il se met à sécréter encore. Le corps physique recommence à réagir. Quand il est toujours dans la misère, il finit par plus être dans la misère, c'est-à-dire qu'il ne vous le voit plus. Alors, on va lui donner des petits plaisirs. On va le promener continuellement de haut en bas. Et ça, c'est l'évolution de l'animal humain. C'est l'évolution de la planète Terre. L'individu qui veut échapper à cette mécanicité, qui comprend l'intelligence de certaines choses, doit s'arranger pour forcer le corps physique à vivre émotivement ce que la vie pourrait lui faire vivre émotivement. Si je dois supporter une dose X de problèmes, donc de sécrétions négatives, d'émotions négatives, je dois projeter dans ma conscience et le créer en forme de rêve, le vivre émotivement. Je dois à ne pas vouloir être malade et me voir malade. Je dois transpirer la maladie. Je dois avoir peur d'être malade. Je dois sécréter dans une heure ou dans une journée tout ce que la vie m'obligerait à sécréter dans 6 mois de maladie. Mais ça, est-ce que ça s'applique seulement aux choses qui devraient intelligemment arriver? Faut que oui. C'est-à-dire que si tu as un corps en parfaite santé, ça donne rien de. Est-ce que ça te donne quelque chose de projeter dans l'avenir que tu es bien malade? S'il n'y a pas de raison logique qui t'amène à penser que tu devrais être malade. Bon, évidemment, c'est pas dans une conférence d'une heure qu'on va tout régler la problématique. Ce que j'explique, c'est qu'il y a de quoi faire là-dedans. L'individu qui ne veut pas être malade parce qu'il voit une raison, parce qu'il a une raison intelligente de conserver son corps en santé, doit s'arranger pour projeter de temps en temps. Ça peut être dans un an, ça peut être, etc., un résultat ou un résultat qui sera intervenu, qui aurait été la réaction, l'aboutissement d'une maladie. Alors, même s'il ne voit pas la maladie, voyant le résultat où il a été malade, de temps en temps, il ne sera pas malade, c'est-à-dire que du moins la maladie ne lui amènera pas un résultat comme il verra, qui peut être la perte de son emploi ou la perte de sa compagnie ou la perte, etc. Bon, je donne l'exemple de la maladie. Quand l'humain envisage son avenir du point de vue émotif, plus il sécrète dans ce qu'il veut, plus il éloigne ce futur possible de lui, parce qu'il a expérimenté émotivement, donc il a cellularisé événementiellement, il a conscientisé hormonalement ce futur possible, Ce qui fait que ce n'est pas astralement ou intelligemment nécessaire qu'il le vive, vu qu'il l'a déjà, endocrinalement parlant, vécu. C'est pourquoi l'humain doit cesser de continuellement bâtir ce qu'il veut, il ne l'aura pas. S'il le bâtit sans émotion, c'est autre chose. Mais chaque fois que l'humain se dit, bon, ben moi, je veux avoir une maison, là, je pars, je vais aller fouiller. Et là, il est tout content, tout énergisé, il sécrète. Il va se faire fourrer dans son affaire. Il peut la trouver, puis il va la perdre. Il peut la trouver, puis elle va couler, il va pleuvoir dedans. Il va se passer quelque chose. Mais habituellement, il ne la trouvera pas. S'il va, et par hasard, il voit une maison, puis il dit, ah ben, Christian me plairait, c'est autre chose. Il n'a pas sécrété pour trouver sa maison. Alors là, possiblement qu'on la lui donne. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il sécrète quelque chose. L'humain doit donc, émotivement, dans ses projections de futur possible, alors il décide qu'il est pauvre, il décide qu'il perd tout ce qu'il a, il décide qu'il se divorce, il décide que ceci, bon, s'il voit l'intelligence de ne pas vivre cela, il doit émotivement essayer de vivre cela le plus rapidement possible et le plus intensément possible du point de vue de l'émotion. C'est pourquoi, à un moment donné, apprendre possiblement l'auto-hypnose peut être utile. Tu t'auto-hypnotises et tu vas vivre cette préscience mentale avec une contingence astrale, donc émotive. Tu vas vivre ce futur possible de façon à le sécréter en masse. Quand tu te réveilles, eh bien, tu es le résultat de 6 mois de maladie. Mais là, tu es guéri. Ton corps physique va subir une altération évolutive et tu vas régler ce problème. Tu disais tantôt qu'il ne fallait pas le verbaliser, qu'il ne fallait pas en parler. Est-ce qu'il ne faut pas en parler dans le sens qu'il ne faut pas dire aux autres qu'est-ce qu'on fait comme mécanique? Ou moins est-ce qu'il ne faut pas en parler dans le sens qu'il ne faut pas le verbaliser? Parce qu'on peut verbaliser quelque chose avec beaucoup d'émotion. Si je vais te rencontrer puis je te dis que je suis en train de... Je pense à me séparer, à me divorcer. C'est vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un niveau un peu plus haut. Bon, il y a des dangers là-dedans. Ce que j'ai expliqué est faisable. Pour un humain qui comprend, c'est faisable. Maintenant qu'il a l'information, il peut être manipulé à le faire. C'est faisable. Mais il faut évidemment comprendre l'idée que l'évolution, elle est endocrinienne et qu'elle est biologique. C'est le corps physique est important et non pas l'ego. Fait que si l'ego désire réussir telle chose, il va se casser la gueule. Si tu écris un livre puis que tu sécrètes bien gros que ça ne marchera pas, il y a fortes chances qu'il marche bien. Si tu sécrètes bien gros que ça va marcher tout plein, il y a fortes chances qu'il ne marche pas. Bon. Alors, l'humain qui se conscientise doit faire attention. Si je viens te voir et je viens te dire que, ah là, non, ça ne marchera pas, puis c'est ici, puis c'est ça, je le dis. C'est comme l'humain qui est un serviteur du monde de la mort, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je vais aller dehors pour pelleter, pour faire un bonhomme de neige. J'en veux un en cours. Ça demande un énorme contrôle de la parole, et la parole étant ce qui permet un contact avec l'ajusteur de pensée, qui permet à l'humain d'exprimer de l'intelligence. La parole est un des éléments les premiers à développer pour arriver à une conscientisation ou à un désassujettissement de la manipulation planétaire, sauf que toutes les contingences astrales font tout pour empêcher l'humain de parler convenablement. Sa voix, elle est trémolo, elle est émotive, sa voix, elle transpire de l'émotion, sa voix, elle est totalement fausse, sa parole est totalement fausse, etc. Alors, c'est préférable pour l'humain dans le début de ne pas trop verbaliser, mais de se contenter simplement de se coucher, si possible de s'auto-hypnotiser, il y a en masse de techniques pour ça, et pas s'auto-hypnotiser dans le but de « je vais mieux, donc je vais mal », c'est ce qui se passe. Il y a une logique mathématique là-dedans, si je vais mieux, c'est que je vais mal, il y a des chances que je reste mal. Il faut que j'aille de plus en plus mal parce que je vais de plus en plus mieux. Bon. Mais l'humain doit sécréter. Alors, l'humain doit se voir, doit se vivre, il doit être capable de magnétiser, c'est-à-dire d'arriver à placer un contrôle mental dans le corps physique pour en arriver à une sécrétion endocrinienne assez intense. Et de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Si on passait la partie de nos... Disons, la partie, je dirais, inutile de notre temps, dans le sens que partie avant de dormir ou des choses comme ça, à sécréter des futurs possibles qu'on ne veut pas voir arriver, avec beaucoup d'émotions, et que le reste de la journée, on n'ait pas d'émotions, et qu'on verbalise ce qu'on veut qui arrive, est-ce que là, ça serait complémentaire? Est-ce qu'il y aurait plus de chances que ce qu'on a verbalisé sans émotion arrive? Non. Donc, deux choses. Premièrement, éviter les futurs qu'on ne veut pas. C'est la façon la plus facile de bouger les choses. Deuxièmement, c'est de créer une synergie avec des êtres humains qui ont le même langage, qui sont capables d'avoir le langage de l'intelligence, qui sont capables d'avoir une voix suffisamment mentale et qui sont capables de vivre un foyer, une concentration d'écœurement. Et ceux-là peuvent éclater quelque chose dans le but d'attirer vers eux un futur possible qui appartenait à on ne sait pas qui encore et qui va leur arriver. Ça se fait. En même temps, l'humain ne doit jamais vivre émotivement ce qu'il désire du point de vue de l'énergie mentale. Il doit vivre émotivement l'inverse. Mais ça demande encore plus de qualité humaine, de qualité mentale. Ce sont des choses, bon, ce que tu me mènes là, c'est des choses qui s'adressent beaucoup plus à une personne qui a traversé, qui comprend l'animotivité, qui comprend la négoïsation, qui comprend un paquet de phénomènes qu'on n'explique pas souvent en conférence, mais qu'on voit plutôt au niveau du séminaire. À partir de la structure de base même, pour manipuler déjà l'avenir, une chose qui était très intéressante, c'est de sécréter, comme je l'expliquais, au niveau de la pensée. Tu disais tantôt que si un groupe sécrète, qu'il va arriver à un futur possible qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui aurait appartenu à quelqu'un d'autre, donc on peut se faire voler nos futurs possibles. C'est toujours ça qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une destinée. Quand un arbre tombe, il tombe. Et il va tomber sur quelqu'un s'il y a quelqu'un là. Qui doit être là? Ça, ce n'est pas cosmiquement prévu. On se fout de qui doit être là. Quelle intelligence habite le corps va être là? On s'en fout. S'il y a un corps physique, il y aura un corps physique qui sera là et qui mourra de façon à créer une stimulation dans le monde de la mort. Mais si c'est toi qui dois être là, la journée que ta conscientisation commence à faire intervenir de l'intelligence, un autre viendra te sauver la vie. Il te poussera, puis lui mourra. Bon. Ou l'arbre tombera, puis l'écorce va le retenir, il va tourner sur lui-même, puis il va tomber ailleurs. Il va tuer quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, si un humain doit mourir, il y en a un qui va mourir. Mais ce n'est pas prévu que ça va être toi, ou lui, ou elle, ou etc. Donc, il y a un chapeautage de futurs possibles, et l'humain peut s'arranger pour en effacer quelques-uns et aller en chercher d'autres. Mais une chose qu'on doit savoir, ce que j'explique ce soir, totalement applicable. Totalement. Maintenant, ça va fonctionner pendant quelques années seulement. Ça a une limite temporelle. Dans quel sens? Dans le sens que vers les années 1998, le temps est très élastique, mais à peu près, cette structure va cesser de fonctionner. Pourquoi? Et présentement, si on l'applique, elle est au summum de son efficacité, et jusqu'à 1998, ça va aller pyramidalement en allant vers de l'inefficacité. Alors, si on attend 10 ans pour commencer à appliquer, il y aura trop tard. OK. Si on commence tout de suite ouais. À appliquer ce phénomène-là, mais que notre ego est au courant de ce qu'on fait. Aucune importance. Si tu sécrètes, ça marche. C'est okay. Le secret. OK. Même si tu sais que ce que tu fais, c'est pour pas que ça arrive, puis que tu réussis quand même à mettre ouais, de l'émotion. Pas grave. Sauf que ton ego, ce qu'il va faire, c'est que quand tu vas avoir sécrété que tu perds à la loterie, tu vas prendre ton billet, et là, tu viens de sécréter que tu gagnais. On recommence. On sécrète qu'on va perdre, puis là, il faut que tu prennes le billet, il faut qu'il n'y ait rien. L'ego, c'est juste là qu'il va tenir l'ego. L'ego, il se plaît de vivre immédiatement quelque chose. C'est pas ça qu'il faut faire. Il efface le travail que tu viens de faire. Oui. Donc, techniquement, il faudrait penser à l'avenir de façon très néfaste. Non. Il ne faut pas penser à l'avenir de façon néfaste. Ben oui, si tu veux faut pas la vivre. Il faut vivre immédiatement à l'avenir d'une façon très émotive, okay. Du côté négatif, et pas qu'y penser. Non, ça rien, okay. Le vivre de façon émotive, à un futur néfaste, de façon très émotive, mais ne pas se dire ensuite, parce que je l'ai fait, ça n'arrivera pas. Si tu te dis ça... Ouais, si tu te le dis mentalement, il n'y a aucun problème. J'y ai pensé juste assez pour que ça n'arrive pas. Pas de problème. C'est tout, tu oublies ça, vrai. Mais oui, c'est simple. Il faut un petit peu de contrôle, là. Ça se fait. Mais certains auront besoin de pratique, certains auront besoin de comprendre, certains auront besoin de s'écœurer, de toujours se faire récupérer par leur astral qui leur fait triper sur l'inverse de ce qu'ils veulent. Sur l'inverse, finalement, de l'inverse, sur l'inverse du résultat. Tu viens de sécréter pour ceci, puis là, maintenant, tu te dis, ah, puis le cœur commence à accélérer, là, tu sécrètes. Tu viens de sécréter, premièrement, de L-dopa, de la dopamine, possiblement de l'adrénaline, puis de l'adrénaline, donc tu viens de sécréter des hormones. t'es encore mort. T'es fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 98, ça fonctionnera plus? Ben, c'est simple. C'est qu'en 98, il y aura sur la planète Terre, premièrement, ça va s'en aller pyramidalement en fonctionnant de moins en moins, donc c'est le temps de commencer si on veut commencer quelque chose d'intéressant. Pour aller se chercher une part du gâteau, il faut qu'on comprenne une chose. C'est qu'il y a X individus qui auront accès biologiquement à l'intelligence dans un laps de temps donné. Qui sait, oh, si on ne le sait pas et on s'en fout, c'est évident qu'on a une idée déjà cosmiquement de où ça va tomber, parce que les corps physiques ont une génétique qui peut le supporter, mais c'est en mutation, alors qui va qui, on ne sait pas. Parce que l'astral, c'est une mécanique qui vient s'amuser là-dedans. Chaque fois que l'intelligence intervient, il vient tout changer la prévision astrale. Même l'intelligence ne peut pas savoir, l'intelligence est instantanée, elle ne peut pas connaître ce qui va aboutir dans l'avenir, parce qu'elle va intervenir dans le présent. Donc, la mécanique changera d'une façon totalement imprévisible par l'astral, totalement inconnue par l'intelligence, insue par l'intelligence, ce qui fait qu'on ne sait pas qui, mais on a une idée de combien c'est utile qu'il y ait d'humains, de corps physiques. Plus l'individu, plus l'être humain va devenir puissant dans sa manipulation, plus l'être humain va se conscientiser dans l'élimination des futurs possibles indésirables, plus il y aura d'humains qui vont avoir la faculté de contrôler l'avenir, moins il y aura d'humains qui pourront contrôler leur avenir. Autrement dit, moi je commence aujourd'hui, tu commences 3 semaines après moi. C'est évident qu'à un moment donné, il va y avoir un seul verre sur la table, et lorsque moi je vais décider que le verre vient ici, étant donné que j'ai plus de pratique que toi, étant donné que j'ai plus d'énergification que toi, je vais l'amener ici. Toi, tu vas tout faire pour que le verre soit là, mais le verre va être ici. Et plus ma puissance en tant qu'homme transitif ou homme nouveau va augmenter, plus j'aurai la capacité de contrôler les structures de l'avenir, moins ceux qui sont en arrière auront la capacité de le contrôler. Autrement dit, celui qui élimine un futur possible ou qui modifie l'avenir du monde. Exact. Chaque fois qu'un être humain, de toute façon, prend un verre d'eau, il baisse le niveau de l'eau de la planète. Après ça, quand il va aux toilettes, il la remet. D'accord. Bon, rien ne se perd, rien ne se crée. N'empêche que quand un humain change l'avenir, il vient de changer l'avenir de la planète. Étant donné que tout est réactionnel, mécanique, si je vais, moi, dans un jardin et j'arrache un brin d'herbe, je viens de changer l'écosystème de tout le jardin. Mais c'est un changement qui ne paraît pas beaucoup. C'est pourquoi, dans le début, le peu de changements d'avenir que les individus vont pouvoir faire, c'est comme si tu ôtais un petit morceau du brin d'herbe. Et quelqu'un en ôte un petit morceau là de bord. Alors, dans le début, ce qui va arriver que moi, je vais vouloir avoir le verre ici. Toi, tu vas vouloir avoir le verre comme ça. Moi, je le veux là. Je me fous de la façon dont il va être couché. Toi, tu le veux de même. Tu te fous de la façon dont il va être placé. Alors, tous les deux, on manipule notre avenir et on gagne. Un autre veut l'avoir dans les airs. Il ne peut pas l'avoir sur la table. Ben, il gagne. Alors, lui gagne, moi je gagne, je le veux ici. Toi, tu gagnes, tu le veux de même. L'autre, il gagne, il ne veut pas sur la table. C'est correct. Jusqu'à un moment donné où il y aura un individu qui aura de plus en plus de puissance, qui va commencer à changer les formes pour les appliquer différemment. Mais l'évolution, la conscientisation chez l'humain, vers son intelligence, va faire en sorte que de plus en plus, nous allons désirer que le verre soit comme ça, et nous allons constater qu'il est comme ça. Donc, je n'aurai plus besoin de changer mon avenir parce que je vais m'être, comme ça par mécanique, je vais m'être placé dans le meilleur des avenirs, celui d'intelligence. Chaque fois que je vais entrevoir qu'il serait intelligent d'eux, je vais constater que c'est déjà fait. Lorsqu'il y aura un homme nouveau, avec un H, peut-être une femme ou un mâle, une femelle ou un enfant, qui aura la faculté de contrôler la structure événementielle de la planète, donc vers 98, tout ce que j'ai dit ce soir ne fonctionnera plus, aura fonctionné. Et ce personnage, nécessairement, pourra être appelé le grand monarque, il pourra être appelé Vishou Célestin, il pourra être appelé comme on voudra. Mais quand un individu a la faculté de changer une structure d'un avenir, une structure assez grande de son avenir, nécessairement, il crée une réaction à travers le reste. Alors, quand un humain aura la capacité de dire « je veux que l'eau soit verte », si l'eau devient verte, tous les humains changeront bien des choses. Donc, à partir de 98, cette mécanique ne fonctionnera plus. Elle ne fonctionnait pas avant 67, elle ne fonctionnera plus après 98. ça veut dire qu'à ce moment-là, les humains intelligents ou transitifs ou hommes nouveaux de l'époque souhaiteront que l'eau soit verte aussi. Oui. Ce sera pas... Alors, ils n'auront pas plus de libarbites, ils seront manipulés par de l'intelligence. Ils deviennent à ce moment-là des serviteurs? Non. Et j'ai expliqué dernièrement dans une conférence, et on va revenir un peu sur le phénomène parce que tu arrives sur le terrain, c'est que l'être humain ne devient pas un serviteur, il devient un serveur. C'est quoi la différence entre un serviteur et un serveur? Le serviteur, c'est la vision émotive de l'accomplissement d'une tâche, et le serveur, c'est la vision mentale de l'accomplissement d'une tâche. Alors, il y a le serviteur qui veut servir son Dieu, et il y a le serveur qui ne veut pas, mais qui devra servir l'intelligence, donc l'esprit. Le serviteur, lui, il fonctionne émotivement, et il a le désir d'eux, et de toute façon, il est manipulé, mais il ne le sait pas. Il est l'esclave, il est le rampant. Le serviteur, il espère que Dieu va l'aider, il demande à Dieu de lui donner des choses, il prie, il monte des marches à genoux, il fait des offrandes. Le serveur, lui, ne fait pas ça, parce que le serveur n'est pas un serviteur. Il n'est pas à quatre pattes, il n'est pas à plat ventre, il est debout. Il est simplement un serveur. Tous les deux, on travaille ici, on a un patron. Moi, j'amène le verre, toi, tu mets l'eau dedans. Alors, moi, j'amène le verre au patron, ou j'amène le verre pour arroser une plante, pour qu'on puisse s'en alimenter à un moment donné. Je suis le serveur de la plante, et non pas le serviteur de la plante. J'accomplis une tâche. Toi, tu mets l'eau dedans, tu es donc mon serveur. Mais je ne te donne pas d'ordre. On est sur le même pied d'égalité, mais si tu es mon serviteur, c'est autre chose. Il y a une hiérarchie motive. Alors, je peux te dire de l'eau. C'est pas un ordre, c'est une constatation qu'il faut de l'eau. Ta fonction étant de mettre de l'eau, tu mets de l'eau. C'est pas un assujettissement émotif. Puis la plante, elle dit rien. Mais ça pourrait parler, elle dirait de l'eau. Mais moi, je donne de l'eau. Je mets là, tu le mets dedans. Alors, on est serveur. Puis quand c'est le temps de manger, elle nous sert. On la mange. Donc, c'est elle qui devient serveur. Oui, ça, c'est le serveur. Le serveur, c'est il faut que l'ego de l'homme arrive à saisir la nuance entre l'un et l'autre. Parce qu'à un moment donné, dans le séminaire, il y a des gens, à un moment donné, qui découvrent totalement différentes choses et qui ont, psychologiquement, pendant un petit bout de temps, quelques heures pendant le séminaire, de la difficulté à supporter des choses neuves. Et l'idée de devenir le serviteur, ça enrage un ego humain d'une façon exemplaire. Le fait de te rendre compte, parce que c'est facile à prouver que tu n'as absolument aucun libre-arbitre, ça enrage noir. Après ça, l'humain se dit, ben oui, mais là, ça veut dire que je suis totalement l'esclave d'eux. Ben oui. Mais tu l'as toujours été, mais maintenant tu le sais, c'est autre chose. Mais ça ne change rien, tu l'as toujours été. C'est pas maintenant que tu le deviens. Et là, lorsque l'humain apprend qu'au niveau réincarnationnel, par exemple, ce sont différentes mémoires qui se réincarnent pluralitairement chez lui pour le former, et que lorsqu'il va dans le monde de la mort, il ne garde pas son entité, ça se digère là-dedans. Quand il revient, ils sont 25 à se réincarner. Et l'ego me dit tout le temps, moi ça ne me dérange pas qu'on soit 25 à la condition que je reste le boss. Parce qu'on ne veut pas être le serviteur des autres. Et là, j'explique que, de toute façon, tout le monde est boss, puis personne ne le sait, on parle de monde parallèle, mais l'humain devient un serveur. Et être un serveur, c'est quelqu'un qui accomplit. Être un serviteur, c'est quelqu'un qui se missionne. Alors, il y a une grosse nuance. L'humain, qui l'homme nouveau, va être un serveur. Et ce n'est pas un serviteur. Il y a une nuance totale, totale, totale à faire. Le serviteur est l'esclave et le rampant. Les êtres humains, 90% des êtres humains sur la planète Terre sont des serviteurs. Serviteurs de mensonges, serviteurs de l'illusion. Ce sont des serviteurs. Ils ont des objectifs, ils ont une foi aveugle dans ceci ou dans cela. Ils sont prêts à donner leur vie pour une cause. Ce sont des serviteurs. Ils ne contrôlent rien. Et en plus, ils ne structurent pas leur vie ou leur avenir en fonction d'une mécanique d'intelligence. Et si c'est déjà fait, ben, tu ne chioles pas. C'est comme l'humain qui est un serviteur du monde de la mort, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je vais aller dehors pour pelleter, pour faire un bonhomme de neige. J'en veux un en cours. Quand tu sors, tu te rends compte que les enfants en ont fait un. Et là, le serviteur, l'esclave total, il va dire, ah bon, ben, de toute façon, il n'est pas à mon goût, j'en fais un autre. Et c'est lui qui se missionne. C'est pour ça qu'on a différentes religions, on fait des guerres, on fait des conneries. Celui qui est intelligent, il sort dehors, il se dit, je vais faire un bonhomme de neige. Il sort dehors, il y en a un. Il dit, ah ben, c'est au bout, il rentre en dedans. Et lentement, il fait, comme je te disais la semaine dernière, il arrive à ne plus travailler. On ne doit pas travailler sur la planète Terre. On ne doit pas travailler, c'est une farce. Travailler, l'animal travaille. Mais l'humain, l'être, l'intelligent ne doit pas travailler. Zéro. Jamais il ne doit travailler. Alors, quand tu veux un bonhomme de neige, il faut qu'il y ait des êtres humains qui restent manipulés. Il va toujours en avoir. Si on parle de 144 853 corps physiques qui, à un moment donné, recevront de l'intelligence, nécessairement, il y aura en masse d'exécuteurs à l'extérieur. Et ce n'est pas grave. Et ça, c'est une chose que lui met de comprendre aussi. C'est que son évolution entraîne nécessairement une évolution à l'extérieur. On doit comprendre que sur le plan planétaire, il y a une quantité très limitée d'énergie, très limitée d'intelligence. Plus on s'énergise, plus on l'apprend ailleurs. Donc, plus ailleurs, ça s'énergise. Plus on se conscientise, plus ailleurs, ça se refroidit. Et c'est notre travail qui, à un moment donné, va changer la structure, permettre à ces individus-là de venir nous rejoindre. Quand on aura la capacité d'aller chercher de l'énergie ailleurs, il en revient toujours un peu, mais il n'y en a pas assez. Donc, certains, une quantité limitée d'êtres humains, doivent l'absorber, se changer. Les autres vont payer pour. Alors, c'est le même phénomène. L'humain qui va vouloir se conscientiser, celui qui, à un moment donné, veut ne plus travailler, nécessairement, il devrait y avoir plein de monde pour travailler pour lui. Est-ce que le fait de cesser de travailler, comme j'expliquais la semaine dernière, c'est-à-dire de faire ce qui nous plaît, puis de gagner notre vie avec ça, est-ce que ça... On ne gagne pas sa vie avec ça. OK, bien, que ça nous permette d'acquérir les choses matérielles dont on a besoin pour se nourrir, se loger, etc. Il n'y a aucune loterie là-dedans. Est-ce que si tu agis comme ça, tu élimines des futurs possibles? Ça va de soi. Parce que, premièrement, tu deviens institutif de l'initiation solaire, donc l'évolution de l'être humain. Tu te désinstitutif de l'initiation lunaire, donc celle de l'animal humain. Celle où l'humain est initié sans jamais savoir où est-ce qu'il va. Tu rentres dans une initiation solaire, celle où c'est éclairé. Donc, où tu sais pourquoi, tu comprends pourquoi, et tu y vas parce que tu n'as pas le choix. Mais si tu aurais le choix, tu irais pareil. C'est là qu'il y a une nuance. Tandis que dans l'initiation lunaire, tu ne sais jamais pourquoi. Tu perds un bras, tu perds un ami, tu perds quelque chose, ça s'en va comme ça, la vie est toujours tout croche au travers. Il y a un embouteillage quand tu n'en veux pas, tu arrives en retard la journée où tu te devais d'arriver à l'heure. S'il y avait une fois que tu devais être à l'heure, ben là tu es en retard. Et etc., etc. Ça c'est l'initiation lunaire. L'humain est initié dans l'inconscience, l'humain est initié, l'humain on le fait sécréter, sans que la conscience astrale de l'homme puisse comprendre ce qui lui arrive. On lui donne des raisons, là, les voix de Dieu sont impénétrables parce qu'il n'a pas de voix. On lui donne un paquet de raisons dans le genre, et puis ça le supporte un bout de temps, jusqu'à temps que l'écœurement finisse par engendrer un contact plus conscient que son ajusteur de pensée. Mais celui, l'humain qui travaille, de toute façon, est mal pris. C'est un serviteur. C'est sûr que celui qui s'envoie sur le bien-être social, du jour au lendemain, il reste un serviteur. Il est serviteur de la société. Attends qu'il y ait un tremblement de terre, puis tu vas voir que le bonhomme la bonne femme, il faut qu'elle sorte pour pelleter. Là, elle ne sait pas, là. Attends qu'il y ait une guerre, puis quand les troupes régulières vont commencer à s'essouffler, là, c'est pas les médecins ou les travailleurs qu'on va envoyer sur le front. Là, ceux qu'on paye à rien faire l'année longue, là, l'examen médical ou pas, que tu n'as pas, faut que tu te fasses t'arracher un bras ou que tu te crèves un œil pour ne pas y aller sur le front. C'est pas un petit asthme qui va t'empêcher d'y aller. Et là, donc, ces personnages-là restent des serviteurs, mais ces autres, ils ramassent, en tout cas, c'est autre chose. L'individu qui ne travaille plus et qui, par sa présence, fait en sorte que ça se génère énormément d'argent autour de lui et qu'il lui en vienne par sa présence, lui, il est dans un avenir où il ne vivra pas d'apocalypse, dans un avenir d'aristocratie, il n'a pas le choix, dans un avenir beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pur. Parce qu'il ne travaille pas, parce que ça me lui pas ce que... Seul, est-ce que le rêve peut... C'est pas long, mais l'apocalypse est... s'adresse uniquement à l'évolution archangélique, à l'évolution des troupes, des troupeaux, des masses. L'apocalypse, les pandémies, les famines, les guerres, les épidémies, les maladies collectives, comme la tuberculose, comme le sida, comme ces choses-là, ça ne s'adresse qu'à celui qui est un serviteur. Mais ça ne s'adresse pas à celui qui devient un serveur d'intelligence, à celui qui par qui passe l'intelligence. Pourquoi pas à lui? Parce qu'on a besoin de son corps physique? Parce qu'il est devenu utile. Individuellement, sa génétique est devenue utile. Alors, l'astral ne peut plus l'altérer. Il est libre. Mais quand maintenant, on dit sa génétique, ce n'est pas la forme physique du corps extérieur. Non, c'est pas la grandeur, la grosseur, la beauté, la laideur. C'est la capacité du cerveau de supporter du neuf et la capacité du système endocrinien de résister à l'expression de l'émotivité. Donc, c'est seulement cérébral. Tu peux ne pas avoir de jambes, ça ne change rien. OK. L'homme doit se diriger vers la liberté. Pas la liberté d'expression, ça c'est une vraie farce. On te permet de dire ce que, humainement, on te permet de dire ce que l'astral te permet de dire. C'est pas une liberté d'expression. Liberté. Une totale liberté, cela veut dire du point de vue de la matière, du point de vue de l'émotivité, du point de vue de la famille, du point de vue des emplois, du point de vue de la vie, du point de vue de la maladie, du point de vue du temps. Mais comment être dans une totale liberté quand tu es entouré Par des gens qui doivent intervenir dans ta vie. Il faut commencer. Il faut commencer un jour. Puis le meilleur jour, évidemment, c'est tout de suite. Disons demain. On va mettre ça demain. On n'a pas une soirée près, là, mais... Mais comme on réagit toujours aux événements à l'extérieur, tu vois, même si tu ne veux pas être assujetti à la matière, si tu t'en vas avec ton auto... Tu viens de dire la recette. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme on réagit toujours. Si tu réagis toujours, à un moment donné, tu vas réagir à te donner de l'information. Pour que cette information-là puisse venir altérer ta programmation de façon à te faire réagir d'une façon différente. C'est ce que je dis dans le séminaire quand je parle de manipuler le manipulateur. Plus l'être humain a d'informations, une conférence comme ce soir, ça donne énormément d'informations. Quand il y en a trop, ben, c'est enregistré sur cassette, il ne faut voir rien. Il y a énormément d'informations. Cette information-là vient altérer ta programmation. Tu ne pourras pas réagir demain comme tu réagissais avant hier. Et chaque jour t'amène de l'information neuve. Mais à un moment donné, si tu vas chercher un intensif d'information, bien nécessairement, tu réagis différemment. Et quand tu as réussi à mettre chez toi un facteur d'information, une donnée, qui t'oblige à réagir en fonction d'aller chercher d'autres informations, eh bien là, tu es sur le bon chemin, quel que soit le chemin. Mais là, tu t'en vas chercher de l'information pour altérer ta faculté de réagir. Le manipulateur ou la force manipulatrice, la force d'involution sur le plan planétaire, ne peut manipuler au-delà de la capacité d'être manipulé d'un individu. Donc, si tu n'es pas manipulable à te suicider, on ne peut pas te manipuler à te suicider, il n'y a rien à faire. Mais comment ne pas être manipulable à te suicider ou à faire quoi? En absorbant de l'information qui va venir pilonner, massacrer la programmation archétypale du début, pour que celle-ci puisse entrevoir... Tu ne pourras pas faire autrement à un moment donné, s'il y a suffisamment d'informations, pour, dans la pire des situations, te dire bon, on va attendre, ça va changer de toute façon. Et historiquement, c'est prouvé, l'humain, il marche de même. Fait que là, j'ai plus rien, je suis en faillite personnelle, il me reste rien. Puis dans 10 ans, je vais être assis sur un fauteuil d'or, puis mourir. Puis dans 20 ans, je vais peut-être revenir aussi bas. Fait que pour l'instant, on va attendre que les choses s'améliorent. On va attendre que l'idée apparaisse. On va attendre qu'on me permette de. Tu ne peux plus te manipuler, te suicider, parce que émotivement, ça ne te dérange plus. Donc, comment on peut arriver à transformer les choses si on a chez soi le minimum, l'information qui nous oblige à accepter du neuf, qui nous oblige à accepter d'aller chercher d'autres informations? Nécessairement, l'humain qui accumule de l'information, l'information reste de la mémoire. Mais c'est par là que l'astral manipule, par la mémoire, qui engendre une structure de programmation. Donc, en altérant le logiciel, en altérant notre mémoire, j'ai toujours détesté les noirs. Bon, à un moment donné, bien, je rentre de l'information qui fait que quand je vois un noir, je vois différemment. Bon, je rentre encore de l'information qui, à un moment donné, m'amène à ne plus détester le noir. Pas l'aimer, mais je ne peux plus le détester. Je peux détester un noir, parce que lui a fait ceci. Je peux détester un blanc, un jaune, un rouge, mais je ne peux pas détester une couleur. Bon. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'intelligence, par le rectificateur de pensée, va me faire voir différemment ce que je vois. Je vais voir de plus en plus la réalité. C'est des programmations. Et à un moment donné, ben, je ne suis plus capable d'être réactionnel à l'imbécilité humaine. Je ne suis plus réactionnel aux peurs humaines. Je ne suis plus réactionnel aux traditionnels humains, aux peurs ancestrales, aux émotivités ancestrales, aux désirs ancestrales, aux explications ancestrales. On a toujours dit ceci, fait que pense pas que ça va changer. Ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, fait qu'attends-toi pas à ce que. Qui es-tu pour dire ceci? Ben, je suis moi, puis je le dis, c'est tout. Qui es-tu pour pas l'écouter? Ça, c'est une bonne question. Et lentement, l'humain finit par être manipulé uniquement en devenant un marginal. Il est fini par être rejeté par les structures archangéliques, par les structures astrales planétaires, par les structures de manipulation, et devenant un marginal, évidemment, il casse sa gueule au maximum pour le récupérer. Et c'est pourquoi l'humain, rendu à un certain niveau de son évolution, doit créer une synergie protectrice autour de lui, c'est-à-dire qu'il doit rencontrer d'autres individus qui sont capables de vivre un phénomène de conscientisation comme lui. Il ne doit pas aller les têter, mais de temps en temps, c'est bon de sortir ensemble, même si on ne se dit rien. Et énergétiquement, on est un peu plus puissant. Et quand il y en a un peu plus d'humains qui se voient, même si ce n'est pas souvent, de temps en temps, ça crée une synergie, c'est pas vraiment chacun, ça énergise le plan mental de chaque individu par synergisation, et ça empêche les contingences astrales de taper dedans. On sait très bien Et les séminaristes l'ont vu, l'ont expérimenté, que quand tu peux te taper de terre, on tape dans ceux avec qui tu vis. Pour que les autres te fassent chier. Bon, mais à un moment donné, il y a des mécanicités qui font en sorte qu'on ne peut plus taper sur personne. Et quand on ne peut plus taper sur l'entourage, parce que tu deviens un peu trop puissant, tu es totalement banni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dieux ne veulent plus rien savoir de toi. Et à partir de ce moment donné-là, tu cesses totalement d'être manipulé. Et ça a l'air d'être une bonne affaire. Ça. C'est le mot d'une bonne affaire. Donc, immédiatement, c'est l'esprit créateur de l'illusion des théologies sur le plan planétaire qui vient cohabiter avec toi. Cohabiter avec toi. Une nuance. Ça ne vient pas te supplanter, ça vient cohabiter avec toi. Sauf que maintenant que tu es libre, tu vois la vie ou tu vois les choses telles qu'elles sont. Un arbre, c'est un arbre, c'est pas beau, c'est pas laid, c'est un arbre. Tu vas être capable de t'abreuver au niveau de la vibration du sentiment à la vision de l'arbre, ça va te nourrir, donc t'énergifier. Et l'intelligence, elle va te faire voir les choses tellement brillamment que tu vas dire, merde, si j'aurais le choix, je ferais ça. L'intelligence va te dire, va te coucher, c'est fait. Alors, il y a une antique parole qui dit que l'humain doit faire les voies de son père, la volonté du père. C'est vrai. Tout est vrai. Ce sera toujours vrai. Mon père, je veux faire ta volonté. Et le père te dit quoi faire. Quand tu arrives à l'homme nouveau, tu dis, mon père, je veux faire ta volonté. Et le père répond, alors que ta volonté soit faite. Bon, tu me suis. Moi, je te suis. Mais j'attends le truc pour arriver à ça. Là. Le truc pour arriver à ça, ça s'appelle le temps. On s'assoit puis on attend, mais on ne peut pas s'asseoir puis attendre si on veut avancer. C'est assez, puis tu attends. Pourquoi tu penses que je fais des conférences? Pourquoi tout le monde est ici? Qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? On attend, on passe le temps, agréablement. On pourrait jouer aux cartes au lieu de venir à une conférence? Non, on ne pourrait pas jouer aux cartes. Pourquoi? Parce que nos manipulations réactionnelles nous empêchent de jouer aux cartes ce soir. Par contre, on peut discuter, on peut parler, on peut écouter. On peut voir des choses nouvelles. Alors, tout à l'heure, on va poser des questions. Ben, il faut qu'on se défonce quand on pose des questions. Souvent, il ne faut pas se défoncer. Savez-vous qu'est-ce que c'est que les meilleures questions? De quelle façon l'humain va évoluer le mieux? Ce n'est pas en posant des questions. C'est en écrivant sur papier son écœurement. C'est comme ça. Alors, quand l'humain va dire, « Bon, Monsieur Kem, vous êtes totalement perdu. Vous êtes un malade. Vous êtes dangereux. » Elle m'amène ça ici. Si elle est encore dans la salle pour m'écouter, ou elle va être convaincue que je suis pire que ce qu'elle a écrit, ou elle va être récupérée. Bon, je veux évoluer, mais je suis toujours confiné à regretter. Je me sens toujours coupable, et j'en ai marre. C'est pas une question. Là, tu m'amènes ça, là, tu dis ça. Là, on parlait de ce que c'est qu'en avoir marre. Là, on parlait, je réponds pas à une question, on parlait de ce que l'individu veut qu'on parle. On peut en parler de ça. Oui, mais quand l'ego, qu'est-ce qui arrive? Bon, poser des questions. Première chose qui arrive, c'est que l'astral vient s'implanter chez toi, puis il n'a pas de questions. C'est un peu compliqué. Quand on fait le séminaire, les gens, ils ont deux jours avec moi. Allez-y, posez vos questions. À quelle heure le dîner? C'est une question que l'ego leur donne. Alors, c'est moi qui commence en posant des questions. Là, il vibre en masse. Il se place sur une même longueur d'onde, puis après ça, j'entends pas qu'il pose des questions. Là, je commence à déblatérer pendant 4-5 heures de fil. Et puis, à un moment donné, ben là, ils ont suffisamment d'énergie. J'arrive à créer suffisamment de choses pour qu'ils viennent suffisamment écœurer, que là, ils commencent à t'écœurer. Ben oui, mais! Bon, là, après ça, on commence. Là, ça commence à être individuel selon les karmas de chacun. L'humain, bon, ce soir, on joue aux cartes, on passe le temps, mais on ne peut pas faire mais ça. Il faut quand même poser le geste d'aller assister à la conférence ou d'aller lire ou d'aller à quoi que ce soit pour que ce futur-là arrive. Si on est manipulé à aller à une conférence, on prend l'exemple de ce soir, je suis manipulé à venir ici t'interviewer. Si je me dis, je veux pas y aller parce que je suis manipulé à y aller, bon, ben, ce qui aurait dû arriver n'arrivera pas. Ben oui, parce que tu es manipulé à rester chez vous, de toute façon. Puis la seule façon d'arriver à te faire comprendre que ce soit faut que tu restes chez vous, c'est quand l'astral vient et te dit « Hey, t'es manipulé à y aller, prends donc une décision puis vas-y donc pas. » Fait que là, tu dis « Ah ben, c'est vrai, torieux. » Fait que là, je décide que je reste. L'astral qui dit ça. L'astral, il dit dans ta tête « C'est vrai, torieux, je décide que je reste. » Oui, mais là, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que tu te dises « C'est vrai, torieux, puis je décide que je vais y aller? » Non, ta femme va s'occuper de toi pour que tu viennes. Ah, parce que tu l'as appelé. Ah, si tu t'as à être ici, tu vas être ici. C'est comme les gens. première chose à faire... Mais c'est dans la subtilité, là. À un moment, on ne sait pas si on se fait charrier ou pas charrier, manipuler ou pas manipuler, ou si on a décidé ou pas décidé. Mais là, je prévois faire une conférence de 8 heures sur le sujet, sur cette subtilité, sur la liberté, ou le PMC+, ou quelque chose dans le genre. Je vais prendre du temps. Mais ce qu'on doit première chose à faire, c'est d'être capable d'accepter de se donner l'autorisation d'aller chercher de l'information. Pas toujours à la même place, mais d'aller en chercher. Après ça, l'humain dit « Oui, mais là, je suis tout mélangé. » Exact! C'est le début! Là, t'es plus pogné dans une chose que t'es sûr que c'est ça. Là, t'es plus sûr de rien. Ça veut dire que t'es sorti du trou, là. Mais là, il y en a plein de chemins. T'es tout mélangé. C'est évident. Avant, il y avait un chemin. Mais il y en a plus qu'un. Puis là, des mots, il y en a qui sont drôlement plus beaux. Maintenant, t'en as plusieurs. À lequel je prends? Là, tu sais pas, t'en as jamais eu autant. L'esclave auquel on ôte les chaînes, puis qu'on dit « Va! » Il y a le monde à lui maintenant. Qu'est-ce qu'il fait du crime? Avant, le boss, il nous disait quand manger, quand aller aux toilettes, quand avoir des enfants, quand... Mais là, ça va passer! T'es mélangé, mais ça va passer! Va chercher une information. Changer l'avenir, accepter d'aller chercher une information pour nous permettre de réagir en fonction des années de l'intelligence et de vouloir changer l'avenir. La recette, cheminer émotivement dans ce qu'on veut pas. Puis, cheminer mentalement, mais pas émotivement, dans ce qu'on veut pour le structurer. Tu veux un emploi, secrète que tu n'en as pas. Puis demain matin...